Les joueurs coréens qui avaient participé aux compétitions d'Elite Ski Jori 2016 de la Fédération internationale de gymnastique tenue du 25 au 27 juin au Kazakhstan ont regagné le 30 juin la patrie par train. Ils ont obtenu 2 médailles d'or et 1 de bronze à l'épreuve de tremplin.